J'ai toujours dit que je gagnerais une place pour cette track-là sur mon album. Je tiens mes promesses, hommage à ta mémoire. J'en fais un remix plusieurs années plus tard. Je voudrais la dédier à tous ceux que t'as connus, ceux avec qui t'as vécu, pour que jamais on oublie tout ce que t'as vécu. Tu veux que je te dise comment je me suis senti quand je l'ai su? Écoute ça, mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. Puis ça me fait chier en esti. Mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. J'y pense encore aujourd'hui, puis ça me fait chier en esti. J'espère que tu me gardes une place au show là-haut à tes côtés. Tu sais très bien qu'en arrivant, je t'aurais pas oublié. Mais je dois t'avouer, je suis pas prêt tout de suite, ma vie, je veux voir la suite. Patience de toute façon, ça viendra vite. En attendant, on garde les côtes soudées, on persévère. Je parle pour tes potes de Bernière, toutes les autres sur cette de par mes vers, c'est ce que j'essaie de faire. L'hommage en ta mémoire, t'étais un frère. Crinqué à bloc, une vie non-stop de fucked up. Toujours parti sa galère. On se rappelait plus d'hier, tellement c'était loin. On était fiers et solidaires, mais maintenant c'est la fin. Dis-moi pourquoi la vie t'a pris, dis-moi pourquoi on dirait que tu le savais. Ton corps de siècle, tu disais, tu l'atteignerais jamais. Presque moi avant, 24 ans, tu disparais en un instant. C'est que c'est frustrant. Ça sera jamais comme avant, tout le monde t'aimait, c'était flagrant. Malgré ta petite taille, t'étais sans faille. J'sais pas si tu le sais, mais t'as foulé l'église au funérailles, pis tout le monde braille. Mais je sais que ça sert à rien, fais suivre notre chemin, même si ça craint. Personne n'échappe au destin, pis je veux que tu surveilles bien le mien. Comme un ange, mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. Puis ça me fait chier en esti. Mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. J'pense encore aujourd'hui, ça me fait chier en esti. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Pour nous, ce qui est difficile, c'est d'accepter. S'imaginer qu'un bon petit gars comme toi, ça se déportait de l'autre côté. C'est dur de dire que sans un mot comme ça, tu te fasses emporter. Perte de contrôle en soirée, ça y est, la mort a frappé. Une chance, l'alcool est là pour me supporter. On sait jamais, j'aurais pu succomber, mais elle a succombé. Partiellement, le mal que ça fait, elle a juste absorbé. La goutte qui fait déborder, le vent qu'on a calé à ta santé. De toute façon, j'ai toujours du mal à me dire que c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est fait. Ça me fait vraiment chier. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, Ced? Y'a rien de plus radical que de voir que t'es dead. Ma coche assez raide. C'est le point final, tu vois que la vie est sale. Infernal et sans pardon. Y'a pas de justice, c'était tellement intense qu'on t'appelle démon. Bon, genre à faire le con, non. Juste là pour mettre de l'action. Maintenant le soir tard, on somme des gros bingo. Pis on pense à toi, mon gros. J'prends une pomme de joint, je tire au ciel, pis j'espère que ça te fait du bien. Mais ça c'est rien. Souvent le soir, quand j'suis sous mort, j'me dis que j'sais que t'es quête part, mais pas avec nous ce soir. J'suis mort de remords, Cédric Bernard. J'te jure qu'un jour on va se revoir. J'te jure qu'un jour on va se revoir. J'te jure que chaud, on va se revoir. Mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. Rest in peace. Puis ça me fait chier en esti. Mais qu'est-ce que ça fait le choc de le voir mort? Savoir qu'on va jamais se revoir, s'en aller évidence, faut le croire. T'as pris un aller seul au paradis, t'es parti. J'pense encore aujourd'hui, puis ça me fait chier en esti. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace.